listening to Overdrive on Radio Dio. We're all ready to have some fucking fun here tonight, right? We all came to the right place. Now we're doing some shit from the And Justice For All album. And I know you guys are ready to sing loud as a motherfucker, so no worries here. You're gonna put your eyeballs on Jason, because he's gonna show you what the fuck to do here. Today. Yes, salut à tout le monde. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo Overdrive. Overdrive qui débute sur les chapeaux de roue avec ce live de Mexico par le Metallica de la grande, grande époque. C'était enregistré les 25, 26, 27 février et 1er et 2 mars 1993 du côté de Mexico City. Par bien entendu Metallica, et c'était le morceau issu de l'album Injustice for All, Harvester of Sorrow. Donc restez bien derrière votre rocking, derrière votre tuner, dans votre rocking chair pour Overdrive. On devrait avoir de l'excellente nouvelle, nouveauté ce soir, et également une interview réalisée du côté du Motocutor Festival avec le claviériste de Sonata Arctica. Voilà, pour l'heure, on débute avec Disneyland After Dark. Le groupe danois de hard rock super fun nous revient avec une nouvelle livraison. Moi, j'adore tout simplement ce groupe. Ça s'appelle Speed of Darkness et ça voit le jour sur AFM Records. DAD pour Disneyland After Dark. I'm looking up to catch the last days of Eden. Yes, Disneyland After Dark, D.A.D. pour les intimes, God Praise to Man. C'est le premier titre extrait de leur dernier album qui voit le jour sur AFM Records. Ça s'appelle The Speed of Darkness. Voilà, je recommande à tout le monde ce groupe, à la carrière maintenant de plus de 35 ans, qui ne connaissent pas encore ce fantastique groupe. On note également le bassiste avec des basses de cordes qu'il fabrique lui-même, qui sont toutes plus farfelues les unes que les autres. À noter que ce groupe, qui s'appelait donc Disneyland After Dark, qui a été renommé D.A.D. depuis, a eu un petit litige avec le papa de Mickey, puisqu'ils ont dû changer de nom tout simplement, D.A.D., parce que ils ont eu un procès de la part de Disneyland pour s'être appelé Disneyland After Dark. Voilà, on continue toujours avec de l'excellente musique, de la musique fraîche. Ça sort sur Frontiers Records, Eclipse pour les Suédois, qui sont accoutumés au gros refrain de Arena Rock. Still My Hero, extrait de cet album Megalomania Part 2. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Broken bone, took me to a hospital bed. Nouveau projet pour John Bush et l'ancien batteur de Overkill, ce sera Category 7, sorti sur le label Metal Blade Records, ce sera The Land I Used to Love, pour ce groupe qui mériterait d'être un peu plus connu. Category 7, tout de suite. We'll be right back. Yes, Category 7, vraiment excellent. La voix de John Bush fait un miracle ici. Land I Lost to Love. On apprécie les guitares. Il me semble que c'est Phil Demmel, ancien Machine Head, aux manettes ici, au niveau des grattes. Le batteur de Overkill également, rien que du beau monde, bien entendu. On va ressortir ici une petite vieillerie avec le groupe Conception. Conception, ce groupe norvégien dans lequel on a la plupart des musiciens ont ensuite eu des carrières illustres dans différentes formations, notamment le guitariste Tore Osby qui allait fonder Ark avec John Landy ensuite, et le chanteur Roy Kahn qui ensuite fait partie de Camelot pendant de nombreuses années pour du métal, on va dire, à tendance symphonique. Ici, sur cet album In Your Multitude, le groupe Conception nous joue un hard rock heavy metal assez progressif, mais assez loin de ce qu'on en appelle progressif dans le métal de nos jours. On est beaucoup plus proche d'un Crimson Glory qui est assez proche en fait de ce qu'était à l'époque le métal assez traditionnel. Donc les vieux Queensryche, Crimson Glory et autres, on pourrait dire Fate's Warning des débuts, sont ici les influences principales et vous permettraient de, on va dire, étiqueter le son de Conception si vous ne connaissez pas très bien. Extrait de cet album In Your Multitude, ce sera le premier morceau Under a Morning Star que l'on va écouter tout de suite. Notez que le groupe s'est reformé il y a de ça quelques années et avait sorti, il me semble, un petit format il y a de ça quelques années. J'ai pas eu le temps, la chance de l'écouter malheureusement. Conception In Your Multitude dans Overdrive Radio Dio, il est 22h. We'll be right back. Lors de la dernière édition du Motocultor Festival, Overdrive était présent en compagnie de la Ferrarock pour interviewer une série de groupes et on a eu la chance de rencontrer Henrik du groupe Sonata Arctica pour tailler le bout de gras autour de leur dernier album Clear Cold Beyond. Ce sera encore une fois une interview réalisée en collaboration avec Radio PFM de Arras qu'on écoute tout de suite dans Overdrive. Right, perfect. Great. So, just to start, of course, pour commencer, nous sommes en plein milieu de la saison des festivals d'été. Comment ça s'est passé jusqu'à présent pour vous? Super. C'est le dernier concert pour nous en festival cet été. J'aime bien jouer en festival, même si c'est toujours une logistique assez complexe. Beaucoup de voyages. Nous vivons dans le nord de la Finlande. Il nous faut déjà nous rendre à Helsinki, passer une nuit là-bas et partir pour l'endroit où nous jouons ensuite. Ouais. Parfois, il faut faire 2-3 jours pour un seul concert. Fly gigs, really. Is it your first time at Motocultor Festival? Yes. Est-ce qu'il s'agit de votre premier concert au Motocultor? Oui, je crois bien. The festival's been growing a lot. Le festival a grandi depuis des années et il s'agit de la deuxième année où il est situé à cet endroit, à Carré. Feedback on your latest record? Avec le recul, quelles ont été les réactions du dernier album sorti en mars dernier? Yeah. In the beginning of the year. Yeah, that was in March. Yeah. Yeah, I think fans like it. We've been going back a little bit towards nous sommes retournés à un son un peu plus power metal, des morceaux plus rapides et une approche un peu plus directe. C'était assez marrant pour nous de retourner aux sources. I was quite curious when I saw like first j'étais assez curieux the album cover and then de retrouver un morceau qui s'appelle California sur un album intitulé Clear Cold Beyond. Je voulais savoir où vous vouliez aller avec ce morceau et avec les thèmes que vous avez employés sur l'album. Le morceau californien n'est pas vraiment à propos de la Californie. C'est un dicton que Tony a trouvé et a tourné en une histoire d'amour. Les thèmes sont assez proches de ce que l'on a toujours fait. L'amour. L'amitié, les histoires fantastiques. Taking into account the acoustic adventures, this album is the. En prenant les aventures acoustiques et l'album, cet album est la deuxième collaboration avec Raining Phoenix Music, Atomic Fire Music. En quoi est-ce que c'est différent de ce que vous avez connu précédemment? We of course we worked with Nuclear Blast for many years and then some part of it became Atomic and now it's one other label again. So it's basically we've been working with. Nous avons travaillé avec Nuclear Blast de nombreuses années, qui s'est tourné ensuite en Atomic Fire et maintenant Raining Fire Music. Beaucoup de personnes sont les mêmes et notre collaboration reste la même. Seul le nom change. Tu mentionnais l'album acoustique et l'une des raisons pour laquelle l'album a évolué de cette manière-là est que nous avons fait deux albums acoustiques albums et une tournée de 50 dates juste avant d'enregistrer cette album. Après ça, on voulait retourner au métal. Wanted to metal. Yeah, exactly. And we were all at the point like, ah, this is too much. You know, it was a lot of fun. Don't get me wrong. And I think we can do it again sometime. But on pourra le refaire, bien entendu, prochainement. Mais maintenant, on veut jouer du métal. A new record. Will it be in the avez-vous des idées pour un nouvel album? Yeah. Sera-t-il dans la même veine? J'espère qu'il sera dans la même veine. Ça dépendra de l'écriture de Tony. On en a parlé et le plan est de continuer dans ce style et de garder des morceaux rapides. How do you establish a set list now that you are on? Comment mettez-vous en place une setlist après plus de 25 ans? Comment équilibrer c'est un désastre. C'est super difficile. Nous avons bien entendu des morceaux que les fans préfèrent, par exemple Full Moon. Usually when we make a new album, we pick a few songs from there. Et lorsque nous sortons un nouvel album, nous prenons quelques morceaux tirés de ce dernier. I think it's a good Et ensuite, thing that we have c'est à nous de décider. From, but it's quite hard at times to do. Mais c'est assez difficile. You know, c'est super we try to talk about it together, then you get five different opinions. D'avoir autant de musique, même si c'est pas évident de s'accorder à cinq. Et justement, quel est ton point de vue, quelle est ton opinion, personnellement? Always fun to play newer songs. Je pense qu'il est toujours sympa de jouer des morceaux nouveaux ou des morceaux que nous n'avons pas interprétés depuis de nombreuses années. C'est toujours bien de faire un morceau que tu n'as pas joué depuis longtemps, puisque c'est un peu plus un challenge. Thanks for your time. And what time is, merci pour tout. Merci pour votre temps. On y sera. Yeah. Sonata Arctica, c'était sur la scène du Motocultor Festival le dimanche we'll definitely be there. 18h. Thank you very much for your time. No worries. Nice to meet you guys. Cheers. Cheers. Encore une fois, merci à Henrik, à l'équipe du Motocultor également, d'avoir accueilli le camion de la Ferrarock. C'était l'interview de Henrik de Sonata Arctica, réalisée en compagnie de Radio PFM. Et pour l'heure, on va s'écouter un petit peu de Sonata Arctica avec un extrait de Clear Cold Beyond, leur dernier album en date. Ce sera le morceau First in Line. Sonata Arctica, First in Line, extrait de leur dernier album Clear Cold Beyond, c'était sur Overdrive. Encore une fois, merci à l'équipe du Motocultor, merci à Elodie, Angie et Henrik ici. Seeds of Mary pour ce groupe qui nous vient de mémoire du sud-ouest de la France, ou alors de la partie ouest en tout cas. Seeds of Mary avec cet album Love, une magnifique pochette sur laquelle on voit un cœur avec un motif zébré en flamme, en tout cas très esthétique. On s'écoute ça tout de suite, sorti sur la Clonosphère, avec ce morceau New Anger. Vous écoutez toujours Overdrive, il est maintenant 22h passées de presque 20 minutes. Yeah. Retour à un style plus classique maintenant avec Turbo Kill, extrait de cet album Champion et le morceau titre que vous venez d'entendre qui ravira les fans de heavy metal. Teutonic, on continue maintenant avec ce groupe Oceans qui nous sort cet album Happy sur Nuclear Blast pour un style ici beaucoup plus moderne, beaucoup plus dans la mouvance de ce qui se fait de nos jours. On va écouter tout de suite dans Overdrive Radio 2, il est 22h passées de maintenant 30 minutes. Ce sera le morceau Let It Burn pour, encore une fois, ce groupe Oceans qu'on va envoyer tout de suite dans Overdrive. Juste une petite seconde que la platine ne démarre. Embrace the solitude. Let it change my attitude. And in the quiet moment, discover my true self. le groupe Oceans Let It Burn avec cet album Happy tout de suite, même si le groupe n'est pas forcément très très content comme on l'entend ici sur les vociférations de son chanteur Orancy Pazuzu maintenant avec encore une fois de la musique extrême et ce Mouton Tunja qu'on écoute tout de suite dans Overdrive Radio Dio et vous écoutez toujours bien entendu Overdrive. We'll be right back. Voilà, pour un album tout en expérimentation, c'était RNC Pazuzu avec Munta Tucha, qu'on écoute tout de suite quelque chose d'un peu plus, on va dire, dans le loudness avec, Black Dahlia Murder. Black Dahlia Murder qui se remet du triste décès de son chanteur il y a de ça 2 ans. Donc, ce qui s'est passé, le guitariste a pris la suite au micro et maintenant se concentre dessus. Ils ont fait revenir des anciens six-cordistes pour compléter la formation, toujours autour du gratteux américain prodige, le petit Brandon Ellis, Cursed Creator, sur le dernier album de Black Dahlia Murder, voilà, qui devrait réveiller pas mal de monde. Yeah. fist and see a shot. They are close to death, but never close enough to make me so hot. Found all time frozen for legacy of the blind. A dance of the grave that you killed the wolf out till the mage. One by the light of a little, it won't be planned out. No one will ever save us all. We can find the way. Find the way. Find the way. We can find the way. Yes, voilà, vous venez d'entendre Death Decline tout de suite avec son dernier album Pattern of an Imminent Collapse pour cette autoproduction vraiment super, super classe pour ce groupe français. On reste dans du français avec le groupe Crack maintenant, ça s'écrit K-R-A-C-K. Ils nous sortent cet album Bakunin sur MNO. Music et ce sera le morceau rapide et incisif maintenant qui s'appelle Révolte. Yeah! vous venez d'entendre Crack, et maintenant ce sera pour terminer l'émission Inner Portal, extrait du dernier album de 1349. Ça s'appelle Wolf and the King, Inner Portal. Donc on rappelle, sur le 895 de Radio Duo à 21h30 tous les vendredis, de la musique qui pulse. Donc restez bien dans votre rocking chair derrière votre tunnel pour de la musique qui pulse sur Radio Duo tous les vendredis soir. On rappelle le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive-radio-duo et la page Instagram. Vous pourrez y retrouver tous les podcasts des émissions, vous retrouvez les coordonnées et les références des morceaux qui auraient pu vous plaire. Et bien plus encore. Bon, merci, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.